Commencer, je crois qu'il y avait encore John Luca qui est parti, qui va arriver. Alors, donc je vous remercie d'être présent et je remercie Vincent Simulin de venir au GEMAS, de braver les conditions météo particulièrement salées. Ouais. Je présente ici les excuses d'Olivier Galland qui ne pourra pas être parmi nous, qui au moins par ses excuses. Et puis, ce que je vous propose, donc, c'est d'écouter Vincent qui va nous présenter donc, cet ouvrage, enfin, nous dire un petit peu ce qu'il veut à partir de cet ouvrage, intitulé Sociologie d'un grand équipement scientifique, le premier synchrotron de troisième génération, qui a été publié donc, en 2012 aux éditions de l'ENS. Et puis, si Thierry est d'accord, je vous proposerai de. Et Anne de réagir peut-être, puisque en fait ce travail est intéressant de différents points de vue. Vincent a des intérêts assez variés, puisque par curiosité j'ai regardé un petit peu cette publication. Et donc il y a à la fois un intérêt pour l'action publique, un intérêt pour l'organisation, un intérêt pour l'instrumentation, et finalement l'ouvrage synthétise un petit peu tous ces éléments en termes de politique de recherche, d'organisation du travail et d'études sur les formes d'instrumentation. Donc il y a un point de convergence par rapport à tous ces intérêts. C'est intéressant de voir ce travail. Donc, si Thierry et Anne sont d'accord, ils réagiront un peu à ta présentation. Et puis, bah, après, on fera circuler la parole sur les questions qui pourront venir à partir de cette intervention. Voilà, je te laisse. Donc, d'abord, je voulais vous remercier donc, de m'inviter à cette séance et puis de venir participer et discuter cet ouvrage. Je voudrais dire que je suis en particulier très content de la présence de Thierry Shin, puisque pour moi c'est un peu comme un retour 20 ans après, puisque j'avais présenté mon DEA qui était sur le synchrotron à Thierry Shin, et il m'a vraiment encouragé à poursuivre cette étude, et c'était un moment important. Donc je suis content que le résultat final 20 ans après soit à nouveau discuté dans ces conditions. Alors peut-être un mot effectivement sur le fait que c'est un objet un peu atypique dans ma carrière, parce que moi je suis fondamentalement un sociologue des organisations, j'ai fait mes études avec Crozier et Friedberg, et j'ai étudié le synchrotron vraiment par hasard, c'est-à-dire comme une organisation, et je me suis dit que c'était un objet tellement intéressant qu'il fallait que je le suive, et c'est vrai que c'est au carrefour de mes intérêts pour l'action publique, pour la sociologie des sciences, et puis pour les organisations de façon plus générale. Donc c'est vrai que c'est un objet un peu spécifique. Alors peut-être un mot justement sur l'objet d'abord. Donc c'est le premier synchrotron de troisième génération qui a été construit dans le monde. Il a été construit en même temps qu'un synchrotron japonais et un synchrotron américain. Alors peut-être en quelques mots ce que c'est qu'un synchrotron, parce que c'est pas toujours parfaitement clair. C'est une source d'énergie, donc c'est un accélérateur de particules qui produit des rayons X et qui permettent de scruter la matière. Donc c'est un anneau, hein, vous avez la photo de l'anneau, j'ai rajouté une photo. Donc vous avez un anneau dans lequel tournent les électrons, ils tournent à grande vitesse, ils produisent en tournant des rayons X. Ces rayons X donnent un faisceau. Donc là vous avez une image du premier faisceau qui a été produit par le synchrotron de Grenoble historiquement. Et ce faisceau est dévié dans une quarantaine de lignes qui sont autour de l'anneau, qui sont autant de laboratoires, c'est-à-dire c'est des lignes qui permettent, on appelle ça des lignes de lumière, des beamlines, elles permettent de scruter des échantillons. Donc ça peut être des échantillons en termes physiques, ça peut être un pilier qui se déforme, ça peut être un tableau dont on étudie la composition pour voir un petit peu comment il a été peint, pour voir s'il y a un autre tableau dessous, pour voir comment il vieillit, ça peut être énormément de choses. Et normalement, un synchrotron, donc vous avez une quarantaine de lignes qui sont réparties autour de l'anneau. Et dans une semaine de fonctionnement du synchrotron, vous avez couramment une quarantaine d'expériences qui n'ont presque rien à voir la plupart du temps, qui sont organisées en même temps par des équipes qui les suivent. Donc ça peut être des expériences de physique, de chimie, de biologie, etc. On peut faire des choses qui ne sont pas des expériences, c'est-à-dire étudier donc, la composition d'un tableau ou des choses comme ça. Et donc c'est un objet qui me paraissait fascinant parce qu'il était ouvert presque à tout le monde. Hein, c'était un objet qui était très très varié, très flexible et ouvert à tout le monde. Donc vous avez des scientifiques, des industriels, des profanes qui peuvent être utilisateurs de cet objet. Et dans l'objet lui-même, dans l'instrument, hein, l'instrument plutôt que l'objet d'ailleurs, vous aviez une communauté double. C'est-à-dire il y a des ingénieurs qui construisent cet objet et qui le construisent en particulier l'accélérateur. Il y a ce qu'on appelle des scientifiques, c'est leur terme générique, c'est-à-dire c'est ceux qui construisent les lignes de lumière, qui les entretiennent, qui les conçoivent, etc. Et déjà, c'est deux communautés qui se distinguent presque en tout, c'est-à-dire c'est des acteurs qui sont différents en termes d'organisation, c'est-à-dire ils n'ont pas du tout les mêmes variables, les mêmes valeurs, etc. Les uns sont dans un monde d'ingénieurs, privilégient l'efficacité, ou enfin, ce qu'ils appellent en tout cas l'efficacité, etc. Ils n'ont pas les mêmes pratiques en matière de publication, c'est-à-dire les ingénieurs ont vraiment des publications assez rares, des publications qui sont presque exclusivement dans des revues d'instrumentation, et alors que les scientifiques ont des publications beaucoup plus diversifiées dans des revues scientifiques, académiques, et pas seulement des revues d'instrumentation, étant entendu que les revues d'instrumentation sont aussi académiques. Ils n'ont pas les mêmes perceptions les uns des autres et ils n'ont pas les mêmes types de socialisation. Donc on avait au moins deux communautés, les ingénieurs et les scientifiques. Et puis on avait un troisième monde qui était celui des administratifs, c'est-à-dire ceux qui gèrent ce synchrotron, puisque c'était un synchrotron européen. Hein, donc il y avait aussi un aspect international très marqué. Vous n'hésitez pas à m'interrompre parce que peut-être s'il y a des choses qui ne sont pas claires, mais n'hésitez pas en tout cas. Donc c'était un objet que j'ai découvert donc, par hasard il y a 20 ans, quand j'ai fait mon DEA, donc de sociologie des organisations, et c'était un objet qui semblait vraiment très très proche de ce que décrivait Terry Sheen, donc justement, c'est-à-dire c'était un instrument générique, hein, ça y ressemblait énormément, il avait une très très grande flexibilité, hein, il permettait aussi bien d'étudier un tableau qu'une molécule ou un catalyseur, si vous voulez, un pot catalytique pour l'industrie. Il permettait donc une très grande flexibilité, des utilisations très variées. Il était ouvert à des usages scientifiques, industriels, sociaux. Hein, donc vraiment, il ressemblait énormément à un instrument générique. Et la communauté qui le servait ressemblait énormément aux communautés interstitielles, avec cette question de savoir si c'était une communauté ou des communautés. C'est-à-dire, est-ce qu'on en avait une ou plusieurs? C'est-à-dire que cette communauté, donc les ingénieurs et les scientifiques, il jouait vraiment un rôle d'articulation entre les mondes de la recherche, de l'industrie, de la politique, hein, c'était manifeste. Est-ce qu'ils avaient des carrières hybrides? Bon, ben ça, c'était une question qu'on pouvait se poser, c'est-à-dire est-ce qu'ils alternaient entre l'université, l'industrie, les agences gouvernementales, les conseils, hein, là, je donne la définition des communautés interstitielles, et est-ce qu'ils acceptaient une subordination vers le monde de la recherche? Donc ça, c'était un peu des questions avec lesquelles je suis parti pour étudier ce synchrotron. Est-ce que ça ressemblait autant que s'en avait l'air à ces communautés interstitielles et à cet instrument générique. Bon, j'espère que je suis clair à peu près. Ça va? Bon. Et donc, comment j'ai conduit cette recherche? Ben, c'est une recherche qui a été toujours périphérique, souterraine dans ma carrière. C'est-à-dire je suis revenu régulièrement à ce synchrotron. Donc, je l'ai étudié en 1992, c'était mon DEA de sociologie des organisations, et je suis arrivé par hasard au moment où ils venaient de finir la construction de l'accélérateur, c'est-à-dire ils avaient fini la construction de l'anneau, donc ce qui est là, et je me suis dit, mais vraiment, c'est trop bête, il faut que je revienne quand ils auront fini la construction des lignes de lumière, donc il n'y avait aucune ligne de lumière qui marchait à ce moment-là, et donc j'ai fait une deuxième étude grâce à un étudiant qui a fait son DEA aussi en 96 dessus, donc moi j'ai dirigé le DEA, bon, le DEA c'était l'ancêtre du master, hein, je préviens à tout hasard parce que pour certains c'est peut-être pas des termes complètement clairs. Et donc en 96 il y a eu une deuxième étude qui était au moment où les premières lignes de lumière étaient achevées et commençaient à fonctionner. Et j'avais toujours eu cette idée que je reviendrais sur le synchrotron au moment où il fonctionnait vraiment depuis un certain temps, c'est-à-dire l'idée de voir le synchrotron à la phase de maturité. Donc pendant ce temps-là, moi, ma carrière se déroulait, c'est-à-dire je suis devenu maître de conférence, etc. Et donc à un moment donné, j'ai eu un créneau pour faire cette troisième étude, donc je l'ai faite à Grenoble en 2005. Et à ce moment-là, donc le synchrotron venait de fêter ses 10 ans d'existence et il fonctionnait depuis une dizaine d'années. Et l'idée, c'était justement de comparer les trois phases. Donc c'était, alors peut-être j'insiste un tout petit peu là-dessus parce que ça pose des problèmes d'écriture. C'est-à-dire moi j'ai eu des gros problèmes après pour remettre tout en ordre parce que j'avais écrit des passages en 92, j'en avais écrit d'autres en 96 C'était pas le même sociologue qui les avait écrits. Enfin, si, c'était moi, mais malgré tout, j'avais beaucoup changé entre-temps. Et ça a été très difficile de les remettre ensemble après. Bon, peut-être on y reviendra plus tard. Donc, c'était un objet qui me semblait particulièrement intéressant. D'abord, c'était le premier synchrotron de troisième génération. Donc, j'ai essayé d'expliquer en quoi c'était un instrument qui me semblait très intéressant. C'était un synchrotron européen. Et moi, j'étudiais l'européanisation par ailleurs. Donc, ça m'intéressait aussi à ce titre. Là, comme un exemple d'européanisation, et j'avais l'occasion par hasard de suivre le processus de création de cet instrument, peut-être pas du début à la fin, mais un petit peu. Donc j'ai essayé de le suivre et j'ai aussi essayé de poursuivre, il me semble, trois lignes dans cette étude qui a duré 15 ans. Bon, même si ça n'a pas duré 15 ans tout le temps, ça a été des coupes. C'est de voir d'une part quel était le rôle des grands équipements et leur capacité de flexibilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un instrument est flexible, sur quoi ça repose. Bon, j'ai essayé aussi en tant que sociologue des organisations de faire une analyse du changement organisationnel, c'est-à-dire comment il avait changé. Et il y a une forme de réflexion sur l'analyse longitudinale, c'est-à-dire ce qu'elle permet et les problèmes qu'elle pose, c'est-à-dire le fait de revenir régulièrement sur un même objet. Donc c'est les trois angles d'attaque que je vais présenter aujourd'hui, même si ça va aller évidemment très vite. Alors je commence par le premier sur les grands équipements et leur capacité de flexibilité. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont flexibles, qu'ils arrivent à s'ouvrir à des utilisateurs très différents? Alors, ce que je peux dire, donc, c'est que ce synchrotron, il est ouvert à des usages très très différenciés. Donc, j'en ai distingué quatre. Ce qu'on peut appeler les usages novices. Donc, les usages novices, c'est quand vous avez un conservateur de musée, par exemple, qui arrive au synchrotron de Grenoble, qui vient pour étudier un tableau, qui ne connaît absolument rien en physique, qui ne sait pas ce que c'est qu'un synchrotron, qui au mieux connaît Windows. Et en fait, il n'y a pas Windows dans le synchrotron, donc ça l'aide finalement pas du tout. Donc ça peut être un conservateur de musée, ça peut être un paléontologue, ça peut être quelqu'un qui arrive avec des objets extrêmement différents. Et la plupart du temps, ces gens-là veulent des images. Hein, et c'est-à-dire le synchrotron permet de faire des images extrêmement précises en trois dimensions, etc., de leurs objets. Donc ces utilisateurs, il faut entre guillemets leur tenir la main, c'est-à-dire leur tenir les mains, et dans ces cas-là, il faut des équipes très nombreuses, très attentionnées, qui les écoutent, qui soient à l'écoute de leurs besoins et qui fassent en gros la manipulation pour eux, si vous voulez, pour qu'ils aient les résultats tels quels. Il y a d'autres utilisateurs qui ressemblent un peu à ça, c'est les cristallographes, c'est-à-dire eux sont beaucoup plus experts en matière de synchrotron, mais ça ne les intéresse pas du tout. Ils arrivent avec des molécules, bon, c'est souvent des gens qui travaillent pour l'industrie pharmaceutique ou en liaison avec l'industrie pharmaceutique. Ils arrivent avec des molécules qu'ils veulent examiner, ils veulent simplement qu'on leur dise comment elles sont faites. Ça ne les intéresse absolument pas de savoir ce que c'est que le synchrotron. Donc d'une certaine façon, ils n'ont pas besoin qu'on leur tienne les mains, mais ils ne veulent pas du tout s'intéresser au synchrotron, ils veulent simplement qu'on leur donne leurs images aussi. Mais ils sont quand même différents parce qu'eux reviennent régulièrement. Alors que les novices peuvent venir une seule fois. Le troisième groupe que j'avais distingué, c'était les usages liés au vivant. C'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs qui vont utiliser le synchrotron comme sur des êtres vivants. Donc ça peut être des souris, mais ça peut être des humains aussi. Et évidemment, ça pose toute une série de problèmes. C'est-à-dire, si c'est des souris, ben, il faut une animalerie. Hein, il faut quelqu'un qui soit là la nuit pour garder l'animalerie, etc. Donc il faut là aussi une équipe très nombreuse. Si c'est des humains, ben, si c'est des souris aussi d'ailleurs, il faut faire attention à pas les tuer, si vous voulez, par une exposition trop prononcée au faisceau. Donc, il pose d'autres types de soucis. Et puis enfin, il y avait un quatrième type d'usage qui était les usages expérimentaux. Donc ça, c'est plutôt les usagers experts qui, eux, n'ont pas du tout besoin d'aide, qui connaissent les synchrotrons souvent depuis 10, 20, 30 ans. Et d'une certaine façon, eux, il faut plutôt les surveiller. C'est-à-dire, c'est ceux qui vont arriver sur la ligne, qui vont mettre des sparadraps partout, qui vont la réorienter à leur usage. Et une fois qu'ils partent, on ne reconnaît plus du tout la ligne. C'est-à-dire, ils l'ont transformée à leurs usages. Et eux, on se méfie d'eux. Hein, autant on a peu d'inquiétude quand on a un conservateur de musée qui est plutôt en stase devant l'objet. Là, on a des utilisateurs experts qui posent d'autres types de problèmes. Alors à partir de là, je me suis demandé à quoi correspondaient les lignes par rapport à ce type d'usage. Et il m'a semblé qu'on pouvait distinguer quatre types de configurations de lignes. C'est-à-dire, je vous rappelle, hein, donc, il y a une quarantaine de lignes dans le synchrotron, c'est-à-dire une quarantaine de laboratoires. Et ces laboratoires, ils peuvent choisir un type, il me semble, de configuration. Les premières, c'est les lignes à configuration multiple, c'est-à-dire c'est des lignes qui ont choisi d'être très variables. C'est-à-dire quasiment chaque semaine, on les démonte et on les remonte autrement pour faire une autre expérience. C'est-à-dire elles sont à configuration multiple, ils ont la métaphore du Lego, du mécano. Et là, c'est un travail énorme. C'est-à-dire il y a une équipe. Il y a une équipe qui va travailler à partir du vendredi au dimanche pour démonter toute la façon dont la ligne était faite et qui va la remonter autrement pour faire une autre expérience. C'est souvent des communautés jeunes. C'est-à-dire, c'est des communautés dans lesquelles on n'a pas énormément d'utilisateurs. Ça part un peu dans tous les sens en termes d'instruments d'expérience. Et donc, toutes les semaines, la ligne est à remonter différemment. Et c'est un peu la mentalité des cow-boys. Et comme c'est aussi, bon, ils se dénomment comme ça, et comme c'est aussi des communautés jeunes, il n'y a pas beaucoup de personnel, il n'y a pas beaucoup de budget, etc. Ça, c'est les lignes à configuration multiple. Il y a ensuite les lignes communautaires. Donc là, c'est une ligne où, au contraire, il y a une communauté nombreuse, identifiée, des expériences bien répertoriées. Et ces lignes-là, en gros, elles peuvent avoir 5, 6 semaines d'expérience où finalement la ligne variera très peu. On variera peut-être la température, mais il y a des expériences standards qu'on fait semaine après semaine en variant peut-être l'échantillon, la température et tout ça, mais elles changent beaucoup moins. Après, il y a des lignes à public multiple, c'est-à-dire ça, c'est typiquement les lignes qui vont être ouvertes aux novices, c'est-à-dire eux, ils alternent semaine après semaine, ils reçoivent des publics très différents, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et ces lignes-là, donc, comme je vous l'ai dit, il faut tenir la main du public, il faut l'aider, et donc il faut une équipe très nombreuse. Hein, il faut une équipe nombreuse, il faut faire des contrats européens pour avoir des postdocs, etc. Et enfin, on avait ce que j'ai appelé les lignes rationalisées, c'est-à-dire des lignes qui sont typiquement les lignes pour les cristallographes, où d'une certaine façon, la science n'est pas vraiment un objet, le problème c'est de faire des mesures, des images, il s'agit de les faire de la façon la plus industrielle, la plus efficace possible. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair, vous pourrez de toute façon compléter dans le livre. Et ce qu'on constatait aussi, c'est qu'il y avait une continuelle recomposition des lignes, c'est-à-dire les lignes, les 40 lignes, passaient d'un type à l'autre, bon, certaines étaient très stables, et d'autres, au contraire, passaient d'un type à l'autre, année après année, soit parce que la demande des utilisateurs changeait, c'est-à-dire que la communauté évoluait, il y avait une expérience qui avait fini ses vertus, qui avait atteint ses limites, soit parce que le personnel changeait. Donc, par exemple, sur la ligne, on avait recruté un postdoc qui avait proposé une nouvelle expérience, qu'il avait construit les équipements pour la mettre en lumière, pour la mettre en œuvre, etc. Ou au contraire, un ingénieur ou un scientifique était parti de l'équipe, et dans ce cas-là, donc une expérience partait avec lui. Donc, si vous voulez, le personnel changeait, il y avait un effet du temps, c'est-à-dire, bon, bah, comme je vous le dis, les expériences s'épuisent, il y en a d'autres qui apparaissent dans la communauté, etc. Et puis, il y avait aussi un effet de l'environnement, c'est-à-dire que comme il y avait de nouveaux synchrotrons qui apparaissaient peu à peu dans le monde, eh bien, ces synchrotrons, ils introduisaient eux aussi des expériences nouvelles, ils avaient des résultats, et donc la ligne changeait en fonction de cette évolution de l'environnement. Donc, en fonction des évolutions des lignes comparables, aussi, il pouvait se faire que, par exemple, la ligne médicale à Berkeley ou à Hambourg avait vraiment privilégié tellement un type d'expérience que c'était plus la peine de le faire à Grenoble, ou alors il fallait le faire de façon très différente. Voilà. Donc, si vous voulez, on avait des mondes différenciés en changement permanent, et ça supposait une organisation spécifique de la part des membres du synchrotron de Grenoble. C'est-à-dire, ils devaient être constamment à l'écoute. Bon, évidemment, il y a une partie très positive là-dedans, hein. C'est-à-dire, c'est la façon dont eux le disent. Mais j'ai distingué deux choses que j'ai appelées le scanning organisationnel, c'est-à-dire ils étaient constamment occupés à essayer d'identifier les nouvelles demandes d'expérience. Hein, ils étaient constamment en train d'essayer d'identifier les nouvelles demandes d'expérience, bah, d'une part en parlant avec leurs utilisateurs, c'est-à-dire ils essayaient de voir un petit peu qu'est-ce qui était en train de se développer, qu'est-ce qu'il fallait inventer comme nouveau type d'expérience, et donc les équipements, les instruments qui allaient avec. Il y avait des services spécialisés au sein de bon, l'ESRF, donc c'est le synchrotron de Grenoble, hein, le European Synchrotron Radiation Facility. Donc par exemple le bureau des utilisateurs, hein, le User's Office, qui eux étaient constamment en train d'écouter les utilisateurs pour voir un petit peu quelles étaient les expériences qu'il allait falloir développer, qu'est-ce que les utilisateurs voulaient, etc. Il y avait des comités de révision des lignes qui, tous les 5 ans, regardaient ce que la ligne avait fait, l'équipe de la ligne. et qui proposait des recommandations pour savoir comment on réorganisait cette ligne, ou pas, si ce n'était pas la peine. Et il y avait l'effet des contrats temporaires, c'est-à-dire que comme le personnel durait normalement, était embauché pour une certaine part d'entre eux pour 5 ans, eh bien, quand ils changeaient, les propositions d'expérience changeaient un peu avec lui. Donc il y avait tout un dispositif de scanning organisationnel qui était constamment occupé à modifier les lignes, à les ajuster, etc., à les changer. Et donc c'est le deuxième aspect, c'est-à-dire le morphing organisationnel, c'est-à-dire qu'il y avait très régulièrement le passage d'un type de ligne à l'autre dans le temps moyen, c'est-à-dire que telle ou telle ligne pouvait passer de configuration multiple à une ligne communautaire, c'est-à-dire il y avait une expérience qui était tellement intéressante que bon, sur 2, 3, 4, 5 ans, on ne faisait plus qu'elle ou quasiment. Et puis il y en avait d'autres, au contraire, elles avaient fonctionné 2, 3, 4, 5 ans sur une ou deux expériences. Elles avaient épuisé un petit peu leurs possibilités de publication, leurs vertus, etc. Et elles repassaient sur 2, 3, 4 types d'expériences. Bon, j'espère que c'est clair. Et donc on avait une organisation qui était basée sur une équipe de ligne, qui était disponible dans le temps court pour modifier la ligne en fonction des utilisateurs et des expériences. C'est-à-dire les lignes changeaient constamment. Donc on avait un dispositif de scanning qui essayait de percevoir les évolutions de l'environnement, ce qu'il fallait faire en termes de nouvelles expériences. Et puis, il y avait un dispositif interne à l'ESRF pour continuellement modifier chaque ligne et modifier l'ensemble du synchrotron pour essayer de répondre dans une certaine mesure à ces demandes. Et donc, il y avait un triple intercalage. Donc ça, c'est un peu en référence, évidemment, aux travaux de Galison. Il y avait un intercalage sur chaque ligne. C'est-à-dire, on essayait d'adopter l'un des quatre modèles possibles et ça variait avec le temps. Il y avait un intercalage au niveau de l'ESRF, c'est-à-dire il s'agissait de spécifier les lignes les unes par rapport aux autres. Et il y avait un intercalage au niveau mondial, c'est-à-dire entre les différents synchrotrons en activité, c'est-à-dire que tel ou tel synchrotron spécifiait les lignes les unes par rapport aux autres. Donc par exemple, il y avait une ligne médicale à Grenoble, mais il y avait aussi une ligne médicale à Hambourg, il y en avait une à Trieste, etc. Et donc, il y avait peut-être 20 lignes médicales dans le monde et chacune se spécialisait un petit peu sur tel ou tel type d'expérience et à travers les colloques, ils y arrivaient. Voilà, donc ça, c'était un peu le premier point, c'était l'idée de comment on avait une flexibilité de l'instrument. Voilà, je suis désolé, je vais très très vite parce que j'essaie de montrer tout à la fois. Donc à partir de là, comment cet instrument il a été construit, hein, l'analyse en termes de changement organisationnel, ben, il y a eu de grosses évolutions dans les 15 ans, bien sûr, puisque moi j'ai étudié la construction. Donc au début, on avait une division dominante qui était celle qui construisait l'accélérateur. Après la deuxième étude, on avait deux forteresses. C'était d'une part la division qui s'occupait de la construction de l'accélérateur et puis la division qui s'occupait des expériences. Et puis à la fin, on avait une division dominante qui était celle des expériences, des scientifiques. Une autre évolution, c'est qu'on a un institut qui se francise avec le temps. Hein, au début, il était vraiment l'anglais, c'était important, etc. Et puis, plus ça allait, plus ça ressemblait à un institut français. On a un poids accru de la direction. Hein, donc ça, si je fais un bilan, parce que ce qui est devenu peu à peu incertain, c'est le financement. Hein, au début, ils avaient un contrat pour 10 ans pour la construction. Tous les pays membres s'étaient engagés pour 10 ans. Donc, il n'y avait pas d'incertitude très forte. Et puis ensuite, il y a eu cette incertitude. Et puis l'autre évolution majeure, c'est qu'au début, le synchrotron se sentait vraiment tout seul. Il était seul au monde, hein. Il était le premier synchrotron de troisième génération. Et puis après, d'une part, il y en a eu un peu partout. Donc il y en a un à Saclay, que vous devez connaître, hein, qui est ce soleil. Il y en a un en Angleterre, il y en a un à Trieste, etc. Il y en a partout dans le monde. Et puis d'autre part, il s'est mis aussi à renouer avec son environnement grenoblois. Donc ça, c'est très rapide, hein, j'en suis désolé, mais c'est en gros les grandes évolutions. Et puis à côté de ça, il y avait des logiques persistantes, c'est-à-dire d'une part, j'ai une institution qui constamment affirme sa recherche de l'excellence, bon, elle le dit en tout cas, hein. elle le manifeste, constamment affirme une menace extérieure. Alors au début, c'est le synchrotron américain, c'est le synchrotron japonais, et puis après, c'est les synchrotrons de troisième génération petits qui existent en France, en Grande-Bretagne, en Italie, etc. Et j'ai une organisation qui constamment existe sur un échange de ressources contre des performances. C'est-à-dire que constamment, on est dans un cercle assez vertueux où ils ont de très très bonnes publications, de très bons résultats, une très bonne presse auprès de leurs utilisateurs. Et donc, ils ont un budget assez abondant qui alimente des bonnes publications, des bons résultats. Et ça marche pendant très longtemps comme ça. Aujourd'hui, ça a l'air d'ailleurs de s'être un peu compliqué, mais tout le temps où moi j'ai étudié cette organisation, j'ai cet échange ressources-performance qui marche très bien. Et donc, si je spécifie un peu, j'ai trois organisations différenciées que je peux identifier dans ces 15 ans où j'ai suivi le synchrotron. Une première phase qui correspond à la construction de la machine, donc entre 86 et 92. Et donc là, j'ai une organisation collective, cohésive, organisée sur une culture d'ingénieur, hein, qui se vit comme ça en tout cas, qui se vit comme ça, qui se vit comme mettant en avant des valeurs d'efficacité, de coordination, de rapidité, avec un leadership très fort, hein, des directeurs de la machine qui sont très présents, dont tout le monde parle, qui sont charismatiques, qui sont fortement impliqués dans l'activité quotidienne de l'ESRF, au point que le directeur officiel est très peu présent, lui. Hein, c'est vraiment les directeurs de l'accélérateur qui dominent la scène. Et puis, donc, on a une deuxième phase qui est la réorganisation scientifique. Donc, un moment entre 92 et 2001 où la scène est reprise en main par les directeurs des expériences. Ça se fait de façon un peu difficile d'ailleurs, avec une organisation individualiste, concurrentielle, qui est mise en œuvre, qui est très traumatisante pour les ingénieurs qui ont construit l'accélérateur, qui tout d'un coup se retrouvent à gérer de façon complètement différente les commandes, qui sont déstabilisés parce que tout d'un coup, ils avaient une organisation quasiment militaire qui maîtrisait bien, et ils se retrouvent face à un monde créatif, désordonné, qui ne maîtrise plus du tout. Et une valorisation de la créativité, de la flexibilité, de l'originalité. Moi, j'espère que ça va. Ouais. Et puis enfin, une troisième organisation qui est celle de la maturité 2002-2005. Donc vous voyez, ça ne correspond pas tout à fait aux études que moi j'ai faites. C'est-à-dire, ça ne correspond pas telle quelle aux phases durant lesquelles j'ai construit mon étude. Où là, on a une phase de maturité où à nouveau, on va essayer de reprendre en main le monde scientifique qui est un petit peu un monde féodal, si vous voulez, avec chaque ligne qui vit sa vie de façon très, très individualiste et atomisée. Donc, il y a une tentative pour limiter la concurrence en recréant des groupes de lignes, de chercheurs, etc. Il y a une tentative pour réinscrire le SRF dans son environnement local, donc Grenoble, hein, avec des tentatives pour renouer des coopérations avec l'Institut de physique des neutrons qui est juste à côté, avec l'Institut de biologie structurale qui est juste à côté aussi, donc l'Institut Laue-Langevin pour le premier, c'est l'EMBL pour le deuxième, si vous voulez, qui sont des instituts de biologie moléculaire, et toute cette organisation qui était dans un isolement splendide jusque-là, se dit aussi qu'il faut vraiment de façon urgente se placer au cœur du monde européen de la recherche, donc c'est un moment complètement différent, voilà. Donc là aussi, je vais très vite, je suis désolé, hein, mais c'est pour présenter l'ensemble des trois thèmes. Et donc l'analyse longitudinale, c'était une analyse longitudinale, c'est-à-dire moi, je l'ai fait parce que j'étais arrivé à la fin de la construction de l'accélérateur, donc je me suis dit, je vais continuer à suivre ça. Et donc il y a eu une réflexion aussi dans mon livre, qui d'origine donc était une HDR, hein, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais ça a été le support de mon habilitation à diriger des recherches. Et il y a eu une réflexion sur ce que c'était que l'analyse longitudinale, ce qu'elle permettait en termes d'études et les problèmes qu'elle posait. Alors, il y a des préconisations qui ne sont pas très claires de l'analyse longitudinale, puisque c'est pas une méthode sur laquelle il y a une littérature immense. En tout cas, moi, il me semble. Je trouve qu'il n'y a pas une littérature immense. Si on compare par exemple aux entretiens ou aux statistiques ou aux questionnaires, il y a vraiment très très peu de choses sur l'analyse longitudinale et il n'y a pas énormément d'analyses longitudinales qui sont pratiquées. Alors quand on cherche, on en trouve. Hein. Quand on cherche, on en trouve, mais il y a peu de réflexion dessus. Les auteurs qui ont proposé une réflexion sur l'analyse longitudinale, un des principaux, c'est Kaplow, qui a des préconisations relativement claires et qui a suivi... c'est un auteur très intéressant puisqu'il a poursuivi les enquêtes des LINS sur Middleton, c'est-à-dire une des études qui a été, sur 60 ans, vraiment menée de façon assez régulière aux États-Unis. Et Kaplow, il propose une stricte répétition terme à terme des études, c'est-à-dire que dans la mesure du possible, il faudrait avoir le même échantillon de personnes interrogées. Il faudrait avoir le même questionnaire, les mêmes questions. Il faudrait maintenir un intervalle raisonnable entre deux études. Et en pratique, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est très difficile. Bon, Kaplow en est complètement conscient. Hein. Il est complètement conscient que ce n'est pas possible. Mais ça pose quand même des problèmes. C'est-à-dire que les personnels, ils changent. On ne peut pas étudier exactement les mêmes personnes. On ne peut pas interroger les mêmes personnes. Puisque si vous revenez 5 ans après, beaucoup ont changé. Je veux dire, il y en a certaines qui sont en CDD. Il y en a d'autres qui ont muté. Il y en a d'autres qui sont partis à la retraite. Bon, il y en a qui sont mortes. Il y en a d'autres qui sont arrivés, si vous voulez. Donc, vous pouvez très rarement avoir exactement les mêmes personnes. Il y a des questions qui se périment. C'est-à-dire que quand moi, j'ai fait ma première étude, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un synchrotron. Donc, j'ai insisté énormément sur ce que c'était qu'un synchrotron. Je voulais savoir à quoi ça servait, etc. À la deuxième ou troisième étude, on sait ces choses-là. Et même si on a la même question, on n'a pas la même façon de fouiller ces types de questions. On ne s'intéresse pas à ça. Et à côté de ça, il y a des questions qui apparaissent. C'est-à-dire, par exemple, la concurrence des nouveaux synchrotrons. C'est-à-dire, Soleil, il n'existait pas dans la première étude. Fatalement, dans la troisième, on est obligé de poser des questions. Donc, on ne peut pas avoir exactement le même type d'entretien. Et puis, surtout, et peut-être c'est le point le plus important, c'est qu'on a un enquêteur qui a changé. Moi, j'avais quand même 15 ans de plus. Un des moments les plus cruels, c'est quand j'ai fait la troisième étude où je suis arrivé à la cantine et ils m'ont dit, mais c'est vous? Ils avaient trouvé que. Il y en a un qui m'a dit, le temps ne vous a pas épargné. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même difficile. Bon, lui non plus. Hein. Mais moi, j'ai fait cette enquête. La première enquête, j'étais en DEA. J'étais vraiment un sociologue complètement débutant. Je dis pas que je suis meilleur aujourd'hui, mais je pense un peu quand même. C'est pas du tout la même chose de faire une enquête quand c'est votre 10e ou 15e enquête et de faire la première enquête. C'était ma première enquête, moi, première grosse enquête, mon DEA. J'étais pas du tout dans les mêmes configurations 10 ans plus tard quand j'étais déjà quand même assez enraciné, si vous voulez. Mais le champ a changé aussi. C'est-à-dire que la sociologie des sciences en 2005 n'est pas du tout ce qu'elle était en 1992. C'est-à-dire en 1992, la sociologie des sciences en France, elle n'a rien à voir avec la sociologie des sciences telle qu'elle est en 2005. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est un des deux ou trois champs les plus stimulants dans la sociologie. Alors j'ai bien fait attention à en mettre deux autres, mais quand même, c'est quand même un des lieux de bouillonnement intellectuel majeur, qui posait beaucoup beaucoup de questions que peut-être que moi en 92 j'avais pas du tout posé et j'aurais pas du tout fait la même enquête si j'avais été en 92. Donc le champ a changé et c'est pas du tout les mêmes questions qu'on peut poser. Alors à partir de là, ben, il me semble que la vertu elle est heuristique, hein, c'est-à-dire c'est une méthode qui évite les écueils de la reconstruction, c'est-à-dire que quand vous allez vers le passé. Vous avez un certain nombre de problèmes qui sont de l'illusion biographique, hein, c'est-à-dire de la reconstruction, c'est-à-dire qu'on découvre bien que toute écriture est une sélection d'informations, qu'elle en gomme certaines, que toute interprétation, elle repose sur des paris. Mais le problème, c'est que autant on est conscient de ça quand on écrit son rapport, autant 5 ou 10 ans plus tard, on a oublié. On a oublié les paris qu'on a faits, on a oublié les sélections qu'on a opérées. Et on y croit, c'est-à-dire il y a un certain nombre de choses auxquelles on croit qu'on restitue parfaitement la réalité. Donc il y a une forme de sédimentation qui conduit le chercheur à oublier ce qu'il a gommé dans son écriture 5 ou 10 ans plus tôt. Et ça, d'avoir quand même les entretiens, d'avoir quand même les données, ça permet de revenir là-dessus. Donc l'enquête par coupe, elle permet, il me semble que c'est la seule méthode qui permet une analyse vraiment symétrique, c'est-à-dire elle permet de réellement comparer des débats. Et pas de les reconstruire a posteriori. Et dès que vous les reconstruisez a posteriori, bah, de fait, vous connaissez les vainqueurs. Hein, vous connaissez ceux qui l'ont emporté dans la controverse. Et donc, la vertu, il me semble, de la méthode par coupe, c'est qu'elle permet, au contraire, d'avoir l'ensemble des éléments à une phase de réelle incertitude. Ce que ne permet pas la reconstruction historique. Elle permet de se réinterroger sur ce que l'on a voulu faire, donc qu'est-ce que j'avais voulu faire moi en 92, en 96, etc. Et elle permet de réellement prendre la mesure du hasard, de l'imprévisible, des incertitudes, etc. Donc dans le cas de l'ESRF, bah, qu'est-ce que ça donne? Bah, d'abord, si vous voulez, j'ai pu mesurer qu'un certain nombre de scénarios n'avaient pas été réalisés. C'est-à-dire que par exemple, en 92, on pouvait avoir le sentiment que l'ESRF allait vers un embrasement. C'est-à-dire vers vraiment une guerre entre, d'un côté, les ingénieurs de la machine, de l'accélérateur, et de l'autre, les scientifiques qui faisaient les expériences. On avait le sentiment quand même d'une opposition, d'un conflit très fort. En 2005, plus personne n'en parlait. Si j'avais fait une reconstruction, ils m'auraient vraiment parlé de ça, je pense, comme d'un moment ponctuel, sans importance. Alors qu'en 92, c'était quelque chose qui organisait durablement leur perception, et il y a des institutions comparables qui se sont embrasées. Donc c'était un scénario possible. On aurait pu avoir une domination de la machine, c'est-à-dire l'accélérateur aurait pu coloniser l'organisation à son profit, aurait pu perfectionner toujours la machine. Hein, et on a des expériences, et Terichine en décrit un dans un de ses livres, on a des expériences où les concepteurs ont colonisé, dominé une institution scientifique, un institut de service. On aurait pu avoir une collusion avec les acteurs locaux, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir les acteurs grenoblois, le MBL par exemple, ou l'Institut Laue Langevin qui était juste à côté, qui ensemble colonisaient l'instrument pour eux, en oubliant un petit peu les utilisateurs. Et il y a des moments où on voit ce scénario qu'il pourrait se développer. Et puis on aurait pu avoir un désintérêt pour les utilisateurs, c'est-à-dire on aurait pu avoir une institution qui vivote un petit peu, qui en gros fait le minimum. Et ce n'est pas du tout ce qu'on constate. Et là, il me semble que le fait d'avoir fait une étude par couple, ça m'a permis de mieux identifier ces scénarios que si j'avais fait une reconstruction a posteriori. Bon. Et la deuxième vertu, il me semble, l'enquête, de l'analyse longitudinale, c'est qu'elle m'a obligé à réinterroger mes études anciennes. C'est-à-dire que j'ai vu vraiment des défauts. Bon, il y avait des vertus, mais il y avait vraiment des défauts dans les premières études, celles de 92 et 96. Il y avait des choses que j'avais vraiment pas vues ou pas bien vues. Et en 2005, elles paraissaient évidentes. D'abord, j'avais pas bien vu le rôle du responsable financier. C'est-à-dire, j'avais pas vu que c'est lui qui avait permis que cette organisation soit construite avec 6 mois d'avance, en tenant tous les budgets, qu'il avait joué vraiment un rôle essentiel. Donc, je l'avais vraiment passé sous silence. Enfin, j'avais pas fait exprès, mais j'avais vraiment peu vu son rôle, alors qu'avec le recul, et peut-être parce qu'aussi j'étais devenu un meilleur sociologue des organisations, j'ai beaucoup mieux vu que le rôle du responsable financier avait été très important. Bon, et si je suis sincère, lui me l'a dit aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il a vraiment insisté sur le fait que dans la première étude, j'avais vraiment gommé, passé sous silence un certain nombre de choses. Et en l'écoutant, j'ai vu que oui, vraiment, j'avais pas bien vu ça. Il y a un point que j'avais pas du tout vu, et pourtant il me l'avait dit, c'est-à-dire autant en 92 qu'en 96, il m'avait dit qu'ils auraient bien aimé voir un ingénieur devenir l'un des deux directeurs des expériences. Bon, mais il me l'avait dit de façon ponctuelle, c'est-à-dire une ou deux personnes me l'avaient dit sur 60 entretiens à chaque fois, et j'avais pas identifié que c'était un point important. Et je suis pas sûr que c'était un point très important à ce moment-là. Mais en 2005, par contre, aucun ingénieur n'est jamais devenu à la tête des expériences. Et c'était un point qui était à l'origine d'une grande amertume des ingénieurs 10 ans plus tard. Et là, c'était quelque chose qui était vraiment à vif. Et là, j'ai compris qu'en 92 et 96, je l'avais raté. Je ne l'avais pas vu. Bon. J'ai vu aussi quelque chose que je n'avais pas bien compris en 92, qui était le rôle des générations instrumentales dans ce champ. C'est-à-dire que ça fonctionne par génération. C'est-à-dire qu'il y a la première génération, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et ça je pense que c'est un sujet d'étude en soi. C'est-à-dire. Bon, on en reparlera peut-être, mais ça fonctionne par génération. Et ces générations, ce n'est pas seulement l'objet scientifique, c'est aussi la socialisation qui va avec. C'est-à-dire, c'est un type de socialisation. Et dans le même ordre d'idée, j'avais beaucoup surestimé l'isolement de l'ESRF. C'est-à-dire, je n'avais pas vu à quel point il était connecté au synchrotron de la deuxième génération qui était à Hambourg, à Orsay, en Italie, et ainsi de suite. Et ça, c'est un point que je n'avais pas vu dans mes premières études. Donc j'avais beaucoup de choses que j'avais pas bien vues. Il y en a sûrement encore plein d'autres que j'ai pas bien vues. Et puis j'ai vu que les acteurs aussi avaient retravaillé. Par exemple, quand j'étais en 92, ils me parlaient beaucoup de la concurrence des Américains et des Japonais. Ils avaient peur du synchrotron américain, ils avaient peur du synchrotron japonais. Et en 2005, ils m'ont dit, mais pas du tout, ça n'a jamais été un problème pour nous, le synchrotron américain, le synchrotron japonais, c'est des collègues, c'est Yalta, vous savez, chacun a sa région du monde, il n'y a aucun souci et tout ça. Donc là, ils ont complètement retravaillé. Et là, je crois que c'est vraiment eux qui ont retravaillé. C'est pas moi qui l'ai raté. Ils ont retravaillé le refus d'aller aux limites. C'est-à-dire qu'en 92, ils présentaient leur synchrotron comme vraiment aux limites de la technologie, aux frontières de la technologie. Et en 2005, il me disait pas du tout, on a fait des paris mesurés, on a vraiment fait peu de risques. Et on avait une stratégie qui était de l'upgrader, de l'améliorer constamment avec le temps. Et donc, là, il me semble que c'est eux qui ont retravaillé, mais bon, peut-être c'est moi aussi, je ne sais pas. Donc, si vous voulez, l'analyse longitudinale, il me semble, elle m'a permis beaucoup de réflexions de ce type-là. Alors, peut-être sur le cadre qui m'a guidé beaucoup dans ces études, hein, c'est-à-dire le cadre de Terry Sheehan, est-ce que ben, ça vérifie ce cadre? Ben, dans une large mesure, oui, c'est-à-dire c'est un instrument générique, hein, je pense qu'il n'y a pas de doute, enfin, en tout cas, il n'y en a pas pour moi. Les ingénieurs et les scientifiques sont différents des usagers et ils sont à leur service. Hein, ils acceptent très clairement leur subordination au monde de la recherche, bon, même s'il y a des nuances. Ils ont une forte activité de publication dans les revues d'instrumentation. Donc sur l'instrument générique, moi je pense effectivement qu'il n'y a pas de doute. Sur la communauté, je pense qu'on peut nuancer un petit peu. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a plus des communautés, mais ça c'est la plupart du temps c'est des communautés interstitielles, qu'une communauté interstitielle. C'est-à-dire les ingénieurs et les scientifiques, ils se sentent vraiment différents. Et ils le sont. Et d'une certaine façon, ils entretiennent les séparations entre eux. Hein, il est vraiment dans le discours, ils passent beaucoup de temps à construire des frontières entre leurs univers. Et peut-être le point le plus surprenant, du point de vue justement de cette réflexion sur les communautés interstitielles, c'est qu'ils sont quand même beaucoup moins mobiles que ce que je pensais. C'est-à-dire autant le synchrotron fonctionne comme un dispositif de socialisation, c'est-à-dire qu'un étudiant fait une thèse sur une ligne, puis devient postdoc sur une autre, puis devient responsable d'une ligne dans un troisième synchrotron. Donc autant ça fonctionne comme un instrument de socialisation, de formation, autant la communauté, elle n'est pas si mobile que ça. C'est-à-dire elle est pas aussi mobile, il me semble, que ce qu'on pourrait l'attendre. Donc peut-être on a plus des communautés interstitielles qu'une communauté interstitielle stricto sensu. Et donc si je conclue, je dirais qu'il y a des questions ouvertes pour moi. D'abord, ben, sur la dynamique de déconfinement, c'est-à-dire que, bon là c'est en référence à Michel Calon, si vous voulez que Michel Calon dit que souvent la science est dans une dynamique de confinement, c'est-à-dire d'éloignement par rapport au profane, ben, moi j'ai vraiment un instrument qui est un instrument en déconfinement permanent, c'est-à-dire qui ne cesse de s'ouvrir à des utilisateurs de plus en plus profanes, et je ne pense pas que ça soit un instrument complètement atypique, c'est-à-dire il y en a beaucoup d'autres qui ressemblent à ça. Mais cette dynamique de déconfinement, bah, elle suppose des conditions organisationnelles. Bah, déjà, elle suppose un budget hein, important. Elle suppose une certaine, je ne sais pas si éthique est le bon terme, mais un certain ethos, peut-être, je ne sais pas. Et elle suppose un travail d'organisation continuel. C'est-à-dire là, il y a peut-être une réflexion à mener sur la dynamique de déconfinement, ce que ça suppose. Bon, j'ai essayé, hein, mais c'est peut-être un sujet ouvert. Et il me semble qu'il y a une réflexion à poursuivre sur le fonctionnement par génération. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui est pas seulement lié à des innovations instrumentales, mais aussi à un dispositif de formation et de socialisation. Et puis moi, j'ai des terrains à poursuivre sur les autres synchrotrons de troisième génération, le passage à la quatrième génération peut-être. Donc voilà, c'est des terrains ouverts. Voilà, ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, Thierry, peut-être que je veux réagir éventuellement, et puis... À moins que tu souhaites qu'on passe directement aux questions globalement. J'ai deux ou trois questions, bon, commentaires. En premier, quelle est la portée d'une compréhension des organisations sur le savoir scientifique? Autrement dit, savoir scientifique, la recherche scientifique constitue une catégorie de travail bien spécifique. Est-ce qu'on peut dégager en travaillant sur les organisations une compréhension qui nous éclaire spécifiquement sur cette activité Stinch, comme par exemple, dans le passé, a remarqué qu'il faudrait discuter des organisations par rapport à un objet, une catégorie d'objets bien particulier. Il a travaillé sur la construction, il a travaillé sur la chimie, etc. Et donc, ma question pour toi, quelle est la spécificité du rapport organisation, recherche, scientifique? Et quand je parle de recherche scientifique, je ne parle pas d'administration politique, des choses comme ça. Je parle de sélection de questions scientifiques, les propriétés sur lesquelles on travaille, les spécificités des objets de recherche et les matériaux. Donc, est-ce que tu crois que tu as répondu à la question de mes organisations telles que je les ai étudiées nous informent réellement sur le processus de recherche, de travail de recherche scientifique? Et j'en suis pas sûr. Non. J'en suis pas sûr. Oui. C'est peut-être en partie du fait que tu es situé dans les organisations. Les organisations qui possèdent, ça va me mener à ma deuxième commentaire, une épistémologie, une théorie bien particulière. On peut voir la sociologie des organisations comme un champ de questionnement surdéterministe. C'est-à-dire que, par rapport à d'autres possibilités épistémologiques, j'en reviendrai en quelques secondes. Il me semble qu'en général, la sociologie des organisations cherche à situer les personnes à l'intérieur d'un cadre, des cadres relativement bien définis. Comprendre leurs relations avec le cadre et comprendre les relations entre les différentes boîtes, entre les différents cadres. Et ceci a peut-être en partie pour le fait de rendre abstraction de l'environnement sur lequel ce cadre doit mener, doit porter, doit avoir une influence. Il y a un autre, bon, pas implicitement, il y a un autre aspect, ça on l'a bien vu. Il y a la surdétermination qu'on trouve souvent dans la sociologie des organisations que je connais, ferme les horizons de possibilités. C'est-à-dire, on peut imaginer les épistémologies qui soulignent la circulation des individus et la circulation des personnes en termes de nombre, de degrés, de liberté qu'ils possèdent. Tu as quelque chose sur l'idée que j'ai mise sur l'interstitialité, la communauté interstitielle, ou ce que je discute plutôt en termes d'espace interstitiel ou de trajectoire interstitielle. Et ces idées des espaces relativement ouverts, de circulation et trajectoire me semble tout à fait opposé à l'épistémologie surdéterministe de beaucoup de travaux dans la sociologie des organisations de travail. De sociologie des organisations. Je crois ajouter une chose. Tu parles de communauté. On peut parler de communauté, on peut parler d'organisation, on peut parler des institutions, mais il faut bien les différencier et il faut bien les définir chaque fois. Il me semble que tu utilises le mot communauté, mais tu ne le définis pas. Tu dis que tout le monde fait partie d'une communauté. Je ne suis pas du tout sûr. Je suis convaincu du contraire. J'ai utilisé le mot communauté. J'ai défini le mot communauté interstitielle. J'ai dit qu'une communauté interstitielle n'est pas fondée en appartenance, mais plutôt à une reconnaissance entre ses membres. On ne cherche pas les personnes qui portent tous les mêmes cravates pour faire, pour identifier leur appartenance à la communauté. C'est les gens qui se reconnaissent par la façon qu'ils travaillent sur les instruments. Il faut imaginer les espaces interstitiels, envisager une carte du monde. Et vous avez les continents, les Amériques, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, les archipels et l'océan. Et les espaces interstitiels sont constitués de différentes régions de l'océan. Des personnes qui sont à bord ces bateaux peuvent s'arrêter dans un port, dans un continent, etc. Mais ils passent son temps entre ces différentes référentes stables et statiques. Et ils se reconnaissent simplement parce qu'ils font le même type de travail. On n'est pas obligé d'appartenir à une communauté dans le sens classique du terme de communauté. On peut simplement se reconnaître parce qu'on a une ressemblance, une vague ressemblance de travail. Et de voir le monde ainsi est très très différent de le voir de manière surdéterminée. J'avais, pour revenir à la question de la question, je crois, la première question, la question la plus importante, quel est le rapport entre comprendre le fonctionnement de la production de connaissances scientifiques et l'organisation? On a le droit d'attendre une réponse de ta part au cours de la première page de ton livre. Parce que tu as bien fait une photographie des dernières 15 ou 20 ans de sociologie, des connaissances. Donc, après, quand tu parles des organisations, on se dit, mais il y aura un rapport avec les connaissances en termes de questions de propriété des objets et des matériaux. C'était toi-même qui a créé cette attente, cette expectation. Dans la première partie du livre, il me semble déceler un certain doute sur la pertinence du discours de réalité cognitive et sociologique aujourd'hui des disciplines. Tu dis aujourd'hui on a mis tout ça dans la poche, on ne parle plus de discipline. Puis je ne sais plus quelle page exactement, mais vers la fin de ton livre, vers la page 155, je n'en sais rien, tu fais une répartition de domaines de contribution des utilisateurs. Et comment tu organises ces domaines? Totalement par discipline. Donc après avoir critiqué de manière parfois intéressante la pertinence de discipline aujourd'hui, tu appuies carrément sur les disciplines pour étaler la quantité et les zones de sphère des travaux. Donc, je crois qu'il faut réfléchir sur cette problématique. Nous aussi, avec un, nous avons également mis en question les disciplines. On parlait de la nouvelle disciplinarité. Mais on garde discipline, mais sous une forme tout à fait différente. Et il me semble que si tu adoptes cette posture-là, tu peux maintenir ton critique et aussi utiliser les catégories. Bon, en tout cas, voilà. Ok. Je réponds ? Oui, ben, je pense que le plus simple est de commencer. Oui, alors peut-être je commence par la troisième question. Ce n'est pas ma critique des disciplines. C'est-à-dire, moi, il me semble, dans la première partie, effectivement, j'ai retranscrit des critiques, des interrogations sur les disciplines. Et puis j'ai aussi, il me semble, redonné des approches qui, justement, s'intéressaient à la sociologie des sciences en termes de discipline. Et la dernière partie du livre, c'est justement une façon de les éprouver, c'est-à-dire de voir si de répondre. Moi, je ne pense pas l'avoir fait sous la forme d'une critique au début. Ok, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais, c'est mais ce que j'ai ressenti. Et ce n'était pas mes apports à moi. C'était plutôt, il me semblait que dans la littérature, il y avait une tendance à s'éloigner de l'approche disciplinaire. Mmh. Ça, c'est sûr. Oui, il me semble. Et que cette littérature qui s'interroge plus du tout en termes de discipline, moi, dans la dernière partie du livre, au contraire, j'ai essayé de voir si l'entrée disciplinaire, et de ce point de vue-là, je pense qu'on est justement... Et tu es plein dedans. Ben oui. Et tu... okay. Donc, il ne me semble pas que dans la première partie du livre, j'ai pris à mon compte la critique des disciplines. J'ai dit, dans la littérature, il y a un désintérêt, il me semble, pour les disciplines. C'est-à-dire, depuis 10, 15 ou 20 ans, il me semble que cette entrée disciplinaire a disparu un peu du champ de la littérature de sociologie des sciences. Et à la place, on a privilégié les approches de laboratoire, des approches ethnographiques, etc. Et il me semblait plutôt le regretter. Donc moi, okay. Il me semble, dans la première partie, je regrette, enfin, je ne sais pas si je le regrette, peut-être le terme est trop fort, mais je ne le prends pas à mon compte. Je dis plutôt, la littérature a délaissé cette approche par les disciplines. Okay. Et donc, dans la dernière partie du livre, effectivement, je me demande si cette enquête, cette approche par les disciplines, il ne faut pas la, peut-être pas réhabiliter, mais il ne faut peut-être pas la jeter avec l'eau du bain. Quoi. Enfin, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut le réhabiliter. Voilà. Donc, la question, c'est est-ce que ça tient ou pas ? Alors, bon, dans la dernière partie, je ne dis pas non plus que ça tient complètement. C'est-à-dire, c'est difficile de distinguer les chimistes et les physiciens, par exemple, de tracer des frontières. On est tous d'accord là-dessus sur l'idée que les frontières ne sont pas étanches et tout ça. Mais la dernière partie, elle est effectivement un questionnement de l'entrée disciplinaire. Donc je pense que c'est plus sur l'introduction que moi je ne me reconnais pas dans la critique des disciplines. Okay. Sur la première question, c'est la plus dure, hein, c'est-à-dire c'est la plus dure, c'est celle à laquelle je n'ai pas de réponse, et c'est la question qui est ouverte pour moi, c'est-à-dire à que nous amène... la sociologie des organisations sur les savoirs scientifiques. Alors, c'est la question la plus difficile pour moi parce qu'effectivement, je suis obligé de la poser, alors que fondamentalement, moi, je travaille dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en tant que sociologue des organisations, je me demande que m'apportent les pratiques scientifiques sur les organisations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles me permettent de mettre en lumière. Et de ce point de vue-là, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les institutions scientifiques sont tellement... intéressante, mouvante, etc., qu'elle nous apporte énormément sur les organisations, et en particulier, elle nous aide beaucoup à réfléchir sur la notion d'organisation avec son caractère formalisé, figé, étanche, et peut-être surdéterminé. Mais alors là, par contre, et là, c'est pareil, je ne me reconnais pas dans ce côté surdéterminé, parce que, au contraire, moi, justement, le fait d'avoir étudié les organisations fixes, il me semble que ça me permet justement, bon, peut-être que dans une certaine limite, on est bien d'accord, mais d'échapper à certains des aspects de la sociologie des organisations. Donc du coup, effectivement, moi j'ai beaucoup de mal à répondre à la question, parce que c'est une question face à laquelle je suis posé, enfin je suis confronté, mais je la traite dans l'autre sens, c'est-à-dire je la traite dans le sens que m'apporte le fait d'avoir étudié le synchrotron européen pour mieux comprendre les organisations, pour contribuer à ce qui me semble quand même être en ce moment une évolution de la sociologie des organisations. Parce qu'il me semble que quand même, on est en train de sortir de ce qu'a été la sociologie des organisations pendant 20 ou 30 ou 40 ans, et en particulier par les études de sociologie des sciences. Et je ne pense pas forcément à moi, je pense à Diane Vaughan, par exemple, ou à d'autres auteurs de ce type-là, qui sont en train de nous proposer d'autres approches. Mais de fait, j'aurais beaucoup de mal à répondre à la première question. Mais là, je pense que la réponse viendra d'un dialogue. à mon avis, vous allez m'aider. À partir de là, sur la deuxième question... oui, alors, la deuxième question, je pense que la réponse est un peu la même. Si vous voulez, à partir du moment où je réfléchis en termes d'organisation, effectivement... J'ai une interrogation sur cette notion d'interstitialité. J'ai quand même essayé un peu de définir les communautés, c'est-à-dire, là aussi c'est difficile de définir les communautés, mais j'ai essayé de les définir comme l'ensemble des utilisateurs, des concepteurs des lignes, c'est-à-dire ceux qui sont liés à une ligne de lumière, qui sont liés aux techniques qu'on met en œuvre sur une ligne de lumière, qui publient, etc. Et donc, à partir de là... c'est un peu la même question, c'est-à-dire c'est celle du rapport entre les organisations et la sociologie des sciences. Donc, je suis obligé de faire un peu la même réponse, c'est-à-dire moi c'est dans l'autre sens que ça me parle le plus. Mais d'une certaine façon, tes premières études aussi étaient dans cette dans cette perspective-là, et sur la chimie, l'informatique et Et la la physique. physique. Ouais. Je sais pas si ça répond ou. Bah, c'est-à-dire que c'est une Oui. question qui reste C'est une question ouverte. ouverte. C'est Mais une je question crois que c'est une ouverte. question importante. Je crois que c'est une question très importante, au moins pour la sociologie des connaissances. Hein? Ah, moi je pense, Qu'est-ce hein. qu que. Et c'est une question qu'on a oubliée 20 ans, je pense. Et donc, elle revient en ce moment. Enfin, peut-être oubliée, c'est trop fort, mais qu'on a peut-être sous-estimée hein, un petit peu pendant 20 ans. Mais c'est une question ouverte. J'ai pas de réponse complète à ça. Du jugeur. Ouais. Alors, merci pour ces premières C'est du bon. réponses. Des questions supplémentaires. Alors moi, je veux bien faire le jeu des questions-réponses supplémentaires. Alors, ce qui est intéressant dans ton travail, comme tu as dit, c'est à la fois d'essayer d'avoir cette évolution sur l'organisation que tu suis sur une période assez longue, ce qui est souvent pas le cas dans les études sur les instruments, c'est plutôt des durées plus courtes. Donc là, on a l'intérêt d'avoir ça sur une durée relativement longue. Et puis c'est également le fait que ce que tu as évoqué très rapidement sur tes scénarios, c'est-à-dire que tu envisages à la fois quels auraient pu être les parcours possibles de cette organisation, et tu évoques plein de possibilités. Et puis tu sembles dire que tous ces cas d'échec finalement qui auraient pu être possibles, enfin du moins un échec relatif par rapport à des objectifs théoriques qui étaient ceux en quelque sorte qui étaient inscrits dans le programme ou dans le projet, finalement tous ces scénarios de collusion ou de concurrence interne, de fragmentation, de conflit, finalement ne fonctionnent pas. Et il y a quelque chose qui relève d'une sorte de cercle vertueux que tu décris plus ou moins. Voilà, donc la question que tu sens venir, c'est est-ce que ce que tu décris finalement, c'est la réussite programmée d'une organisation, ce qui veut dire que cette organisation est fonctionnelle, et dans ce cas, qu'est-ce qui explique que tous ces scénarios que tu as évoqués, finalement, pourquoi ces scénarios ne fonctionnent pas, et quel est le mécanisme explicatif autour de ce cercle vertueux? Est-ce qu'il y a une explication que tu peux avancer? Alors là, en termes organisationnels, parce que c'est plus véritablement sur la question des savoirs, mais véritablement sur le fonctionnement en interne de l'organisation, tu dis en même temps qu'il y a une question de performance, une capacité à faire de la transaction de ressources sous la forme après de production de performance. Et donc, où tu mets en gros, effectivement, le noyau explicatif, un petit peu de ce cercle vertueux qui s'instaure et qui poursuit. Donc ça, c'est une première question. Une seconde question qui. En rapport avec des travaux, notamment ceux d'Arnaud sur l'espace, c'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression que l'organisation intègre tes propres travaux, c'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression que le discours des STS, le discours des sciences ou des organisations, à un moment donné, est un élément également incorporé par l'organisation? Et qu'il est capable aussi de se penser à travers ce discours, ou plus ou moins d'essayer de le réincorporer et de l'instrumentaliser d'une façon ou d'une autre. Est-ce que tu as été soumis, par-delà les remarques qui ont été faites sur ton âge, donc un travail de traduction, de transformation pour usage interne, quoi. Ça, c'est une seconde question. Et une troisième question porte sur la contestation ou du moins le. Est-ce que c'est un objet qui n'est finalement pas un objet controversé, c'est-à-dire que ça fonctionne? Est-ce que c'est un objet qui peut à un moment donné générer des formes de controverse, générer des formes de contestation, alors au niveau interne, au niveau externe, à quel niveau? Et si oui, est-ce que ça, à un moment donné, ça peut avoir un impact, ces contestations, sur la forme de l'organisation, mais également sur les expériences qui sont conduites? D'accord. Peut-être là aussi je réponds, je ne sais pas si on fait Oui, plusieurs questions ou on peut. peut-être je réponds à celle-là à nouveau par la troisième. Non, alors peut-être, enfin évidemment c'est très brutal de répondre non, mais ce n'est pas du tout comme les nanos par exemple si la question est celle-là, c'est-à-dire il n'y a pas de contestation massive, et en particulier à Grenoble, il n'y a pas de contestation massive de l'objet synchrotron qui est pas du tout perçu dans l'environnement, c'est-à-dire sauf exception, Est-ce qu'il y a des formes de contestation interne? Alors oui, ça a été le cas quand on est passé de la machine aux expériences, c'est-à-dire quand on est passé de la construction d'accélérateurs à la construction des beamlights, des lignes de lumière. Et ça a pu avoir un impact sur les expériences qui y sont conduites, mais d'une certaine façon, comme toute évolution d'une organisation, d'une institution. Mais ce n'est pas un objet comme Minatech ou comme d'autres objets qui suscitent des contestations très fortes. Donc c'est un objet presque invisible pour l'environnement. Il peut y avoir peut-être quelques interrogations sur la radioactivité, mais c'est vraiment très très ponctuel et rare. Sur la première question, alors ça c'est une question pour moi aussi. Alors celle-là malheureusement elle n'est pas ouverte, c'est-à-dire c'est une question, c'est, effectivement l'étude est sans doute trop positive sur le synchrotron, c'est-à-dire que elle met trop en valeur une performance qui est celle d'une réussite peut-être pas programmée et qui se déroule de façon vertueuse. C'est pour ça que j'ai essayé vraiment dans les scénarios justement de montrer que ça allait pas de soi. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, je n'aurais pas tendance à les catégoriser comme des échecs. C'est-à-dire, ils se sont juste pas réalisés. Alors, j'essaye de dire pourquoi dans la conclusion. Ils se sont juste pas réalisés. Ils auraient pu se réaliser. C'est-à-dire que effectivement, cette organisation synchrotron de Grenoble qui passe son temps à projeter vers l'extérieur une façade irréprochable, vertueuse, de performance, de succès, elle aurait pu à plusieurs reprises, entre guillemets, disjoncter et devenir un échec. Et c'est ce que j'essaie de dire parce que je pense qu'effectivement dans le livre, s'il n'y avait pas eu cette conclusion qui mettait en lumière les quatre scénarios qui ne sont pas réalisés, on aurait vraiment le sentiment que je décris une réussite qui jamais ne dévide ses rails. Et j'ai essayé dans la conclusion, justement à travers ces scénarios, de montrer que non, ça aurait pu ne pas marcher, c'est-à-dire ça aurait pu ne pas marcher du tout, ça aurait pu ne pas fonctionner. Alors, quelles sont les explications qui font que ça a fonctionné? Ben, je pense qu'effectivement, il y a le fait qu'elle a eu un budget abondant constamment, et ça peut-être c'est pas assez... Bon, je le dis dans le livre, hein, je pense, mais peut-être je ne l'ai pas mis au premier plan, c'est-à-dire c'est une organisation qui constamment a eu des budgets importants, qui a eu constamment pu... je l'ai dit quand même dans le livre, c'est-à-dire que toute la construction repose sur un océan d'argent et que donc ça facilite énormément le fait d'arriver à finir avec 6 mois d'avance, etc. Mais je ne pense pas que les scénarios soient des échecs. Je pense au contraire, enfin, justement, moi je les ai mis en lumière dans la conclusion pour pondérer cette impression de réussite programmée qu'on a peut-être dans le reste du livre. Et je crois qu'on a sans doute dans le reste du livre. Et donc, ça aurait pu ne pas marcher, et il y a des parts d'ombre. Alors, est-ce que le discours des STS est incorporé par l'organisation? Alors ça, c'est une question très importante et très intéressante. Elle est, de ce point de vue-là, pas du tout informée par ce discours. Elle s'est très peu intéressée à mon livre, par ailleurs. C'est un point qui d'ailleurs, c'est pas intéressant en soi, mais c'est peut-être intéressant en tant que sociologue. C'est-à-dire que chacune des études a été faite au milieu du mandat d'un directeur. Et donc chacune des études a été intéressante pour le directeur qui sans doute y voyait l'occasion de laisser sa marque sur l'organisation et tout ça. Et chacune des études, bon, parce que... je suis sans doute trop lent, etc., c'est possible, est arrivé pour la fin du mandat de ce directeur, et donc elle n'a pas été valorisée par le suivant, qui immédiatement s'est dit « Oula, c'était mon prédécesseur, et surtout il faut... » Enfin, c'est pas qu'il n'ait peut-être pas dit « il faut », mais il n'y a éprouvé aucun intérêt. Donc, de ce point de vue-là, il y a un timing qui a été pas du tout adapté à ce type de réinterprétation. Et j'ai été très frappé, mais c'est peut-être parce que je suis naïf, j'ai été très frappé par le manque d'intérêt des chercheurs pour cette étude. C'est-à-dire, c'est étonnant le point auquel ils ont répondu sans souci aux entretiens, ils m'ont accueilli, etc. Mais alors par contre, quand les résultats sont arrivés, il y avait un ou deux chercheurs à chaque séance de restitution. J'avais des ingénieurs, j'avais des techniciens, j'avais les membres du staff administratif, mais les scientifiques eux-mêmes, ils ne venaient pas du tout. Il y a une forme de désintérêt réel, et puis il y a une forme d'affichage que la sociologie, ça les intéresse pas. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut nous intéresser par ailleurs. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Moi, j'ai été sensible dans votre présentation à l'historique que vous avez présenté entre trois périodes, enfin la période de mise en place, la période de début d'activité où toute la communauté se trouve dans une situation d'individualisme concurrentiel, et puis une troisième période où on essaye de reconstruire des groupes. Je trouve ça intéressant parce que dans certaines études de cas sur le régime transversal, on a souvent l'image des chercheurs technico-instrumentaux comme étant un petit peu des électrons libres. Et là, justement, votre point de vue de sociologie des organisations tend à montrer apparemment comment l'administration de cet instrument peut moduler justement la cohésion de la communauté interstitielle. Je me demande un petit peu dans quelle mesure cette succession de trois périodes est peut-être un petit peu artificiellement contrastée pour les besoins de la présentation. C'est un peu schématique, j'imagine. Ouais. Parce que, est-ce que, comme on parle du succès de l'instrument, est-ce qu'un instrument comme ça peut vraiment cumuler les succès sans avoir une espèce de nécessairement de cohésion sous-jacente un petit peu permanente qui lui permet d'accumuler une espèce de mémoire collective qui implémente les savoir-faire tacites, etc. Et qui reste en quelque sorte un petit peu indépendante de l'action de l'administration. Dans les termes de la sociologie des organisations, il doit y avoir quelque part une zone d'action concrète qui reste, qui permet de conserver une certaine pérennité et donc une certaine identité aussi, j'imagine, à la communauté interstitielle. Oui. Il y en a beaucoup, je pense. Enfin, excusez-moi. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de zones d'action concrètes. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs sur chaque ligne. C'est-à-dire sur chaque ligne, il y a des lieux de mise en œuvre, effectivement, de ces savoirs tacites, de conservation de ces savoirs tacites. Et là-dessus, effectivement, cette approche ne saisit pas. C'est-à-dire ça, c'est une approche de sociologie des organisations qui, de fait, va pas saisir ces aspects-là parce que j'aurais pu le faire, mais là, c'est un choix qui est difficile. Hein. Alors, il faut bien voir que c'est un objet quand même compliqué. Alors, évidemment, tous les objets sont compliqués en sociologie des sciences. On se retrouve vite avec des objets difficiles à saisir. Mais là, il y a quand même des lignes qui sont des lignes sur lesquelles il y a des techniques quand même qui relèvent plutôt de la biologie. Il y en a d'autres qui relèvent plutôt de l'imagerie. Il y en a d'autres qui relèvent... Donc, c'est pas un objet sur lequel on peut facilement à la fois suivre l'organisation sur 15 ou 20 ans, comment il évolue, comment son rapport avec l'environnement se recompose périodiquement, et en même temps saisir chaque ligne pour voir justement la question que vous posez, qui est une question qui en soi aurait supposé une autre étude. C'est-à-dire, par exemple, j'aurais pu suivre la ligne médicale sur 15 ou 20 ans, et là j'aurais vu d'autres choses, c'est-à-dire j'aurais vu effectivement... Cette reconstruction, cette recomposition permanente, cet entretien des savoirs tacites et des savoirs non tacites, hein, cette évolution des rapports avec la communauté mondiale qui suit cette ligne, les utilisateurs. Et ça, je ne peux pas à la fois faire suivre cette ligne-là et suivre l'ensemble. Et donc, enfin, c'est difficile, hein. C'est difficile de faire les deux en même temps. C'est-à-dire, je ne peux pas à la fois suivre la ligne médicale, la ligne d'imagerie, enfin il y en a cinq des lignes d'imagerie, et la ligne de biologie de cristallographie, et ainsi de suite. Donc là, il y a un souci, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une question qui est un angle d'attaque qui a été privilégié, c'est-à-dire d'essayer de suivre comment l'ensemble tient, et pas de suivre justement ces endroits où sur chaque ligne, parce que c'est autour de chaque ligne que ça se joue, la question que vous posez, comment ça s'entretient? Mais c'est une question légitime. Et là, on est face à la même question. Mais il aurait fallu avoir toute une équipe de sociologues qui, chacun avait sa ligne, et qui suivent la ligne médicale, la ligne de cristallographie, et tout ça. Et ça, c'était pas facile. Donc, c'était une autre... Il y avait plusieurs livres à écrire. Hein. Ce qui, d'ailleurs, était le problème de Middleton. Hein. C'est-à-dire, si Kaplow n'a jamais publié, enfin, à ma connaissance, le troisième livre sur Middleton, c'est qu'il n'a pas réussi, à un moment donné, à remettre ensemble. Parce que quand les Lint ont publié Middleton de mémoire en 1929 et 34, je crois, ou 38, je ne sais plus, les deux premiers livres, Middleton, c'était relativement petit. C'était à hauteur d'homme, en gros. Alors que 60 ans plus tard, c'est une ville beaucoup plus grosse. D'une part, c'est une ville beaucoup plus grosse, et donc c'est, bon, il y a tout simplement un aspect morphologique. Et puis, les débats en sociologie font qu'il ne peut plus l'étudier comme il pouvait l'étudier avant. Donc moi, j'ai un peu le même problème que les Middleton, enfin que les Lint. Enfin, les Lint, ils sont morts, mais que Kaplow, qui est que l'objet, je ne peux pas à la fois le saisir dans sa globalité et à chaque point indépendant. Mais ça serait parfaitement passionnant de suivre une ligne. Et si j'étudie le synchrotron de quatrième génération, j'aimerais bien le faire dans cette perspective-là, c'est-à-dire en voyant justement comment une ligne fonctionne. Moi, j'aurais peut-être une question. Alors, je suis arrivé avec 5 minutes de retard. Alors, il se pourrait que vous ayez abordé... Hein. C'était très grave. Ce sur quoi j'ai envie de parler. Ça concerne l'européanisation de la recherche. Oui. Parce que c'est évoqué de façon un peu rapide. Il y a même, sur la quatrième de couverture, un élément qui m'a frappé. Donc, l'étude qui contribue à une meilleure connaissance des processus d'européanisation des sociétés contemporaines. Donc, on a envie de savoir comment, pourquoi. Ouais. Et moi, je me posais la question, notamment au niveau de la configuration organisationnelle de la maturité 2002-2005. Donc là, très concrètement, la ligne, non plus de lumière, mais budgétaire, oui. elle est tenue par qui, concrètement? Par exemple, au niveau européen, je ne sais pas, c'est la DG Recherche et Innovation, avec tout ce qu'elle prône en termes de management de la recherche, de pilotage de l'innovation, etc. Si c'est ce genre de ligne-là, donc une européanisation communautaire et non pas intergouvernementale, j'ai l'impression que c'est plutôt la seconde option qui a prévalu lors de la création de cette structure. Qu'est-ce que ça change? Notamment, et là c'est une question que je me posais aussi, sur les stratégies d'inclusion des utilisateurs. Parce qu'il y a aussi une ouverture, alors je ne sais pas si c'est rhétorique, enfin ça peut l'être carrément même, des gens qui prônent des recherches qui sont ouvertes à la société, où on contextualise la recherche. Là, pour le coup, la rhétorique de la New Production of Knowledge à Bruxelles, elle performe à fond. Hein. Donc là, le lien entre justement cette européanisation par la voie bruxelloise, je ne sais pas si elle existe, comment elle se manifeste sur ce terrain-là, et comment ça impacte, entre guillemets, sur donc, cette stratégie de déconfinement, j'aime bien la formule, donc avec des utilisateurs qui seront variés, avec des besoins tout aussi différents, donc aussi des stratégies d'inclusion des utilisateurs qui pourront varier selon les disciplines, enfin les communautés, etc. Je sais pas, est-ce que ça se manifeste par des forums, des appels à projets? Comment ça modifie éventuellement l'organisation? Et alors j'ai très peu de questions sur l'épistémologie parce que je bloque aussi. C'est très grave. C'est très grave. Bah oui. En tout cas, au niveau de cette dimension-là, peut-être après j'aurai peut-être d'autres questions. Bon, alors, c'est pire, la réponse est pire que ce qu'on peut envisager, parce que c'est pas les 5 premières minutes que vous avez ratées qui donnaient la réponse, c'est à mon avis les 5 prochaines années. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la question qui se pose à l'heure actuelle. C'est-à-dire, effectivement, ce synchrotron, il a été fondé par des pays membres sur une base purement intergouvernementale. Il a été financé 15 ans sur cette base-là. Et la question qui se posait en 2005, mais qui se pose, qui n'est pas résolu, justement, c'est celle de savoir comment il va être européanisé, c'est-à-dire comment il va s'inscrire dans un champ qui est celui de l'Europe de la recherche, dont des grands instruments de Eurofforum et de toutes ces institutions. Donc, il n'est pas communautaire, hein, il est toujours intergouvernemental à cette époque-là. C'est pas la Commission, ni la DG, ni rien qui le finance. C'est une question ouverte à ce moment-là. Et bon, alors, de ce point de vue-là, on assiste dans le livre à une européanisation lente, mais qui représente, je pense, jusqu'en 2005, une forme d'européanisation limitée de la recherche et qui n'est pas celle qu'on verrait aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, c'est aussi ce qui, pour moi, justifie l'intérêt de continuer à l'étudier. Parce que ça, il répond pas totalement, effectivement, à ce genre de questions. Quand je l'ai étudié en 2005, on était au linéament des questions que vous posez, que moi aussi je posais, et on n'a pas à ce moment-là les réponses. Donc aujourd'hui, il faudrait les poser. Je ne suis pas sûr qu'on aurait encore les réponses, parce que le synchrotron de Grenoble a été bâti sur une forme institutionnelle très, très atypique. C'est-à-dire il est sur un registre commercial de droit privé, il s'éloigne autant qu'il le peut du CERN, parce que c'est un modèle beaucoup trop coûteux pour les gouvernements, il n'est pas sur le modèle communautaire. Donc c'est une question qui est posée. Et moi, effectivement, c'est une question qui m'intéresse par les autres terrains que j'ai aussi. Mais de ce point de vue-là, c'est une question ouverte. C'est une question ouverte à laquelle on n'a pas encore les réponses. Ou on a des réponses qui sont celles que je vous dis, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, c'est pas encore un instrument communautaire. Cette fois, au sens de la communauté européenne. Du coup, il n'est pas prêt de le devenir, parce que là, avec les arbitrages budgétaires de Horizon 2020, 2014-2020, s'il n'entre pas dans une quelconque ligne de la Commission, il ne sera pas communautarisé avant 2020, quoi. Non, et les États membres n'y tiennent pas forcément, donc il ne sera pas forcément communautarisé. Mais l'enjeu n'est pas forcément d'être communautarisé à ce sens-là, c'est-à-dire que pour eux, c'est plutôt de pouvoir régulièrement présenter des projets au PCRD qui sont financés, qui récupèrent des budgets, etc. C'est-à-dire, ils sont plus, ils sont plus dans une optique qui est non pas d'être inscrits sur une ligne de la Commission en termes de financement récurrent, mais d'avoir une autonomie, c'est-à-dire d'échapper à ce financement par la Commission, et par contre, d'avoir une légitimité qui leur permettrait régulièrement d'être financé par le PCRD ou par les PCRD. Donc je pense qu'ils sont plus dans cette logique-là. Mmh. Et du coup, je suis désolé, je prends la parole. La francisation que vous évoquez, comment ça joue justement sur cette résistance à cette éventuelle résistance à l'européanisation communautaire, et peut-être un sursaut d'affirmation d'intergouvernemental par surcroît pour justement contrebalancer. Est-ce que c'est justement, c'est les Français qui poussent à l'intergouvernemental, ou comment ça marche? Je pense que c'est une question qu'on peut poser dans plusieurs registres. D'abord, s'il y a francisation, c'est aussi parce que au cours du temps, le synchrotron a convaincu les autres pays de construire des synchrotrons de troisième génération. C'est-à-dire que maintenant, vous avez un synchrotron de troisième génération en Suisse, vous en avez un en Suède, vous en avez un à Paris, vous en avez un en Angleterre, vous en avez en Italie. Donc du coup, d'une certaine façon, les autres pays membres ont moins besoin de celui de Grenoble. Il y en a un maintenant à Hambourg. Bon, donc ils ont moins besoin de Grenoble, et d'une certaine façon, ça les arrange aussi de moins financer celui de Grenoble, et donc ils sont finalement assez contents d'une francisation qui leur permet de justifier des restrictions budgétaires à eux. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et donc, de ce point de vue-là, la francisation convient assez bien à tout un ensemble de pays membres, et elle convient bien aussi à la France. Donc, ça s'inscrit dans un débat qui est un problème pour le synchrotron de Grenoble, pour le management du synchrotron de Grenoble, la direction, etc., qui est de remontrer son européanisation face à des pays membres qui ne sont pas forcément convaincus que c'est dans ce synchrotron-là qu'ils doivent investir le plus, puisqu'ils ont le leur. Et que la quatrième génération est en train d'émerger à Hambourg. Donc à partir de là, d'où la question des générations, qui est une question, à mon avis, importante dans ce type d'équipement. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question. Et sur les utilisateurs, juste pour... Alors, c'est quoi la question sur les utilisateurs? Les stratégies... Normalement, vous devez donner la réponse dans la question. C'est la charge normale, c'est la charge normale de quelqu'un qui pose une question, c'est qu'il y répond. Précisément, je ne la trouverai pas, quoi. Ouais. Je parlais des politiques de recherche européennes, dans le sens communautaire. Oui. Il y a toute une stratégie d'ouverture vers les pays de l'Est, etc. Mais aussi il y a des communautés d'utilisateurs qu'il faut constituer, qui n'existent pas vraiment encore, etc. Là, elles sont déjà identifiées, visiblement. Ah non, là, elles ne sont pas identifiées. D'accord. Parce qu'on est paléontologue, on ne savait pas, par exemple, que ça pouvait s'intéresser. Alors ça passe par quelle interface pour séduire ces éventuels utilisateurs? Ah ben c'est le dispositif de scanning. C'est le dispositif de scanning, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un paléontologue qui va s'intéresser au synchrotron par hasard. Il va présenter dans un congrès de paléontologues ses résultats. Un deuxième paléontologue va faire une expérience comparable. Une ligne va se dire, mais là, il y a un public pour lequel il faut construire une expérience. On construit une expérience qui intéresse les paléontologues. Ça marche, il y a des paléontologues qui viennent. On construit une deuxième expérience. Et on est dans le dispositif de scanning. C'est-à-dire, mais je donne les paléontologues, ça peut être autre chose. C'est-à-dire, les cristallographes, il y a 30 ans, ne savaient pas ce que c'était qu'un synchrotron. Et puis, c'est devenu un instrument banal dans la communauté des cristallographes. Et bon, alors, c'est pas dans le livre, mais c'est dans un article de la Revue Européenne des Sciences Sociales où j'ai essayé de développer ça. C'est quelque chose qu'on voit pour les professions artistiques, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir un public de conservateurs de musées, par exemple, qui s'intéresse au synchrotron de façon pas virtuose, mais presque un petit peu, c'est-à-dire. Vous avez des responsables de ligne dans les synchrotrons du monde qui a identifié ce public et qui construit pour lui des expériences, et ainsi de suite. Et donc les publics sont pas préconstruits. Ils ne sont pas préconstruits, certains sont préconstruits. C'est-à-dire, il y a effectivement des experts du rayonnement synchrotron qui existent depuis très longtemps, etc. Mais il y a des publics nouveaux qui viennent et qui repartent. C'est-à-dire, à un moment donné, ils vont perdre leur intérêt dans le synchrotron, ils vont faire autre chose. Et tout le problème, et de ce point de vue-là, tout le problème est de les capter, de les garder en ayant constamment des expériences à leur proposer pour aussi garder les budgets et ainsi de suite. Donc je ne sais pas si ça répond. Oui. Mais les publics n'existent pas avant. Mmh. Ou en tout cas, ils évoluent beaucoup avec le temps. C'est-à-dire les cristallographes n'y étaient pas, les conservateurs de musées n'y étaient pas. Et peu à peu, ils sont captés par l'instrument et ils captent l'instrument à leur profit. Mmh. Donc ils ont une ligne qui est pour eux. Les biologistes, par exemple, étaient au début un public mineur du synchrotron de Grenoble et sont devenus au fil du temps, en 20 ans, la moitié des expériences. Et les équipes se modifient pour capter ce public et pour le satisfaire. D'autres questions? Roland, peut-être. Je n'ai pas encore lu le livre, je vais le préciser. C'est très intéressant. Bon, juste un point, je vais parler. Est-ce qu'il y a des acteurs majeurs, influents, d'une période à une autre, hein, une période ou une autre, finalement? Vous parliez de ces leaders forts, présents constamment, etc., charismatiques de la première période, ils ont disparu. Ils sont partis d'ailleurs, etc. Enfin, bon, bref, je ne sais pas. Et j'allais dire pourquoi, enfin, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui explique éventuellement les inflexions? Qu'est-ce qui fait qu'éventuellement certains acteurs deviennent, enfin, je ne sais pas si les acteurs, amènent certaines lignes, certaines disciplines à devenir importantes à un moment donné, plutôt que d'autres, quoi, finalement. Je sais pas. D'accord. Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses aussi, là. Alors, d'abord, la première réponse, si vous voulez, les leaders charismatiques de la première période, donc c'était les directeurs machines, hein, ceux qui ont construit la machine, ils correspondent aussi à un monde qui est bâti, justement, sur ces valeurs industrielles. Bon, ils viennent du CEA, tous. Alors, enfin, ils viennent du CEA ou l'équivalent en Allemagne, si vous voulez. Donc ils sont dans une culture un peu militaire. Bon, je dis militaire entre guillemets, bien sûr, mais à peine. Et ils sont dans une culture où, d'une certaine façon, le charisme en fait partie. Hein. Ils correspondent aussi à une nécessité, à une période. C'est-à-dire, c'est la période de construction et c'est la période de construction d'un instrument, c'est-à-dire l'accélérateur. Ce qui n'est pas du tout la même chose que la période de construction de 40 lignes, puisque ça, c'est autre chose. Donc à partir de là, c'est beaucoup plus difficile dans la deuxième période d'avoir 40 leaders charismatiques. Ça, c'est la première façon de répondre, à mon avis, à votre question. C'est-à-dire, il y a vraiment dans la première période un monde qui est celui du CEA, si je dis ça de façon très brutale, qui est bâti sur ces valeurs-là, qui est aussi un monde de chantier, Donc c'est pas un moment où l'institut fonctionne, si vous voulez. C'est pas un moment où on fait des expériences, où on en fait très peu, on teste le faisceau, etc. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que je pense que je me suis amélioré comme sociologue des organisations. C'est-à-dire que dans la deuxième période, j'ai mieux vu qu'autour des individus charismatiques, il y avait tout un... ce que les sociologues des organisations appellent un système d'action concret. C'est-à-dire j'ai mieux restitué, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rôle du directeur financier, ainsi de suite. Et donc j'ai limité le charisme des acteurs. Et je pense que les deux explications sont complémentaires, c'est-à-dire il y a une période charismatique et puis il y a une analyse qui est peut-être plus riche, mieux informée dans la deuxième et la troisième période, mais d'un univers qui est beaucoup plus riche parce que c'est celui d'un institut qui fonctionne, dans lequel il y a 1000 utilisateurs par an qui viennent faire des expériences, il y a 30 ou 40 lignes de lumière qui fonctionnent, il y a 2000 publications qui sortent chaque année. On ne peut pas avoir le même type d'individu charismatique dans un univers comme ça, où il y a des centaines de publications qui sortent, des centaines d'expériences, des milliers de données, et le monde 5 ou 10 ans plus tôt, où vous avez 400 ingénieurs qui construisent. Vous voyez ce que je... Donc je pense qu'il y a les deux explications. Et par ailleurs, pour répondre à votre question, le directeur de la machine est parti, c'est lui qui a construit sa clé. Le soleil, c'est lui qui a construit le soleil. Donc il est parti une fois que son... De ce point de vue-là, il correspond totalement à ce trajet de mobilité des communautés interstitielles. C'est lui, il est passé d'un instrument à l'autre constamment. Et du point de vue du développement de certaines disciplines, oui, etc., qui de leur coup prennent de l'ampleur, etc., je veux dire, ça vient comment, en fait, c'est pas... Je sais qu'il y a le système de veille, je sais dans la carte, ouais. Je ne sais pas si on peut répondre. Non, je pense qu'on ne peut pas répondre. Ouais, mais moi, je suis plutôt au stade où je constate que, par exemple, la biologie a pris une ampleur qui n'était pas prévue, où je constate que l'imagerie a pris une ampleur qui n'était pas prévue, et je n'ai pas d'explication sur pourquoi l'imagerie ou la... Ce que je constate, c'est que j'ai une dynamique de déconfinement. C'est-à-dire que vraiment, année après année, cet instrument ne se clôt pas du tout sur une communauté d'utilisateurs, mais cherche à en conquérir de nouvelles. Alors pourquoi est-ce que c'est telle ou telle ligne pourquoi est-ce que c'est telle ou telle discipline qui se développe? Ça, je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas si on peut en donner, si vous voulez. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a une évolution assez forte des utilisateurs et que la communauté favorise cette évolution. Ouais. C'est juste une assise par rapport aux disciplines qui utilisent l'instrument en question. Il y a leur propre évolution et leur propre histoire cognitive épistémologique qui probablement joue dans le fait qu'ils utilisent le synchrotron, ça paraît. Et donc là, on retombe sur la question des contenus et des connaissances. Quoi. Oui. Et alors, je pense qu'il y a un point aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'il y a de plus en plus de synchrotrons. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, si on se fiche sur une discipline ou une communauté disciplinaire, très vite, ces besoins vont être pourvus. Parce que, comme il y a de plus en plus de synchrotrons dans le monde, il y a de plus en plus de lignes qui fonctionnent, si on n'invente pas de nouvelles expériences, il n'y a pas de raison de construire de nouveaux synchrotrons. Et donc, à partir de là, la communauté, les communautés sont face à leur extinction. C'est-à-dire que si on reste figé sur les usages, en gros, de physique-chimie, si on est en très gros, bon, ben, Soleil peut les satisfaire, et Diamond en Angleterre, et si on n'invente pas sans arrêt de nouveaux usages, si on ne convainc pas sans arrêt de nouvelles disciplines, pourquoi on construirait de nouveaux synchrotrons? Il y a un problème d'extension de la discipline qui est posée derrière. Oui, c'est peut-être très fonctionnaliste, hein, mais... ouais. Est-ce que c'est un équipement qui peut susciter à des mutualisations? Je pense par exemple l'imagerie, autour de l'imagerie, est-ce qu'il n'y a pas des collaborations entre l'imagerie et la médecine interdisciplinaire? Et est-ce que des expériences peuvent justement être le vecteur de ce genre de phénomène? Alors oui, il y a énormément de mutualisation. Alors c'est ce que j'ai appelé les intercalages d'une certaine façon. C'est-à-dire il y a des mutualisations au sein de l'ESRF, c'est-à-dire sur l'ensemble des lignes, ils regardent ce que font les autres et ils essayent de voir si on peut utiliser tel ou tel équipement. Un four, par exemple, ça peut être tout bêtement un four qui permet d'atteindre des températures plus élevées ou plus basses. Enfin, les fours plutôt des températures plus élevées, mais ça peut être un four. Ensuite, il y a des mutualisations entre les synchrotrons, c'est-à-dire la ligne médicale, elle travaille avec les autres lignes médicales dans le monde entier, ou les lignes d'imagerie travaillent avec les autres lignes d'imagerie dans le monde entier. Il y a des mutualisations au sens que toutes les lignes fonctionnent avec une communauté d'utilisateurs qui chacune amène ses équipements sur la ligne. Par exemple, c'est-à-dire l'université, de Toulouse, par exemple, l'université de Toulouse va construire un équipement qui va être donné au synchrotron de Grenoble, et en échange, ils auront 2 semaines par an sur lesquelles ils peuvent faire des expériences sur la ligne. Et ça, c'est une pratique constante sur toutes les lignes, d'essayer de fédérer autour d'elle toute la communauté pour qu'elle travaille avec ce type de fonctionnement. Si l'université de Toulouse a réussi à, entre guillemets, implanter un équipement sur la ligne d'imagerie, par exemple, du synchrotron de Grenoble, elle va envoyer des post-docs qui vont faire leur travail là-bas. Ces post-docs vont éventuellement ensuite revenir à Toulouse ou pas, mais il va y avoir un noyau de coopération qui vont s'enraciner avec le temps. Et il y aura effectivement des mutualisations très fortes. Et au bout de 5 ans, c'est un scientifique de Toulouse qui sera sans doute nommé responsable de cette ligne pour 5 ans, et ainsi de suite. Donc il y aura effectivement des... Enfin, je ne sais pas si c'est une réponse complète à votre question. Et ça peut marcher avec beaucoup, beaucoup de déclinaisons. Alors juste une dernière pour plaisir. Ouais. Dans le titre de ton ouvrage, tu as sociologie, équipement, et puis le dernier mot, c'est génération. C'est quoi l'analyse générationnelle pour des instruments scientifiques? Quel est le pas de temps de ces générations? Qu'est-ce qui explique qu'on passe d'une génération à une autre? Parce que là, tu t'intéresses à la troisième génération. Qu'est-ce qui explique en fait quelle est la dynamique de ces générations et comment on peut étudier ça concrètement? Réponse en 30 secondes. Ouais, alors de toute façon, c'est la question qui m'intéresse actuellement. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la question que je trouve intéressante maintenant. C'est-à-dire, effectivement, mais c'est vraiment des questions. Quelle est la dynamique de ces générations? C'est quelque chose que je constate au-delà du synchrotron, c'est-à-dire on le constate de façon très générale avec les équipements. Hein. Nous, par exemple, dans mon laboratoire, on est en train de construire un restaurant expérimental dans lequel on étudie les consommateurs, etc. C'est pas du tout moi que c'est... Et ils sont en train de passer à la deuxième génération. Et effectivement, c'est une question pour moi de savoir qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'on passe à la deuxième génération, pourquoi on le dit, etc. Alors, il me semble que la réponse, elle va pas de soi, si vous voulez. Donc ça, c'est la première chose. Il y a évidemment un effet d'affichage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on affiche qu'on passe à la deuxième, troisième génération pour les financements, pour toute une série de... pour les publications, etc., ça permet ça donne un label. Il y a des dispositifs instrumentaux effectifs. Dans le cas de la troisième génération, c'est les onduleurs, c'est-à-dire qu'ils ont généralisé dans les synchrotrons de troisième génération les onduleurs, ce qui n'était pas le cas dans la première et la deuxième génération. Les onduleurs, c'est en rapport avec les lignes courbes, les lignes droites, etc. Je ne vais pas développer, mais c'est une innovation instrumentale véritable. Et puis, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la socialisation et de la formation, c'est-à-dire que on voit que ces instruments fonctionnent par génération. Mais c'est plus de l'ordre de la question, c'est-à-dire, effectivement, il me semble que c'est quelque chose à penser, à méditer, dans le cadre de ces équipements. Je n'ai pas de réponse complète, mais c'est un objet qui, à mon avis, est intéressant. Ce n'est pas un objet, c'est une question qui, à mon avis, est intéressante. Ouais. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on...